pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance, puisque tu as les yeux bleus. Oui tu as les yeux bleus. Et depuis que nous vivons comme dans un rêve tous deux, nous pensons que le bon Dieu doit aussi avoir les yeux bleus. Tellement c'est incroyable d'être aussi heureux, puisque tu as les yeux bleus. Oui tu as les yeux bleus. Je me souviendrai toujours de ce premier jour. J'avais lu dès mon réveil dans le bleu du ciel que ce jour serait le jour d'un grand amour. C'est pourquoi ce 12 mai, lorsque je t'avais rencontré, les oiseaux du ciel et moi n'étaient même pas étonnés. Au détour de la rivière, dans une grande lumière, de moi qui me souriais juste au grand milieu d'un champ de bleuets, c'était toi avec tes yeux bleus. Tout le monde sur la terre ne peut pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance, puisque tu as les yeux bleus. Oui tu as les yeux bleus. Puisque tous deux on s'aime, s'il m'arrive quelquefois d'être loin de toi, je ferme les yeux pour voir encore mieux.